voulons te remercier. Nous voulons te rendre grâce. Chaque fois que nous nous réunissons en ton nom, nous croyons que tu es parmi nous et que tu as une parole à nous communiquer. Et ton Esprit Saint nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est une méga église. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Une fois de plus encore, je tiens à remercier le Seigneur pour l'opportunité, pour la vie de l'aide du révérend Simon. Amen. Elle est un pilier pour nous les francophones. Amen. Je crois que Dieu l'a mise à part pour nous. Amen. Et au travers de son ministère, Dieu continue à nous bénir. Il continue à nous changer. Alléluia. Je prie que vraiment Dieu la bénisse. Et aussi pour la vie de Epiakos, qui est aussi un pilier derrière elle. Je ne serais pas surpris qu'un jour toute l'église devienne membre de la chorale. Amen. Dieu l'utilise fortement. Et nos sœurs, nos frères sont changés. Quand je voyais l'autre fois en train de chanter, Yannick. Hey! Oh non! Trop loin! C'est une bénédiction. Amen. Et en étant connecté, vous verrez que Dieu ferait des plus grandes choses. Parce que à celui qui croit, tout est possible. Si seulement tu peux t'humilier pour recevoir l'instruction, tu seras surpris de ce que Dieu peut faire au travers de toi. Amen. Aussi le sketch, c'était un message puissant. Amen. Tout était beau. Alléluia. Que Dieu aussi bénisse votre ministère. Alléluia. Au premier service, nous avons parlé du secret. Amen. Un petit secret. Alléluia. Nous avons encouragé tout un chacun à prendre son temps de méditation au sérieux. Amen. Parce que plus tu médites la parole de Dieu, plus tu es influencé par cette parole-là. Amen. Et plus tu es influencé par la parole de Dieu, plus tu seras changé en une autre personne. Selon que Dieu le désire. Amen. Parce qu'il est important d'avoir un temps d'intimité avec son Dieu. Un temps où tu peux adorer ton Dieu, tu puisses communiquer avec ton Dieu, tu peux lui exposer. C'est pas seulement toi qui parles, mais aussi Dieu aussi te parlera. Dieu aussi te donnera des instructions. Dieu te donnera des directives. Amen. Afin que ta joie soit parfaite. Amen. Et nous allons continuer sur le même volet. Alléluia. Partout. Amen. Nous allons prendre Luc, chapitre 6, versets 47 à 49. Luc, chapitre 6, versets 6, 47 à 49. Ok, je lis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Alléluia. La fondation. Pendant le premier culte, j'avais dit que à Abidjan. Amen. Lorsqu'il pleut, on est toujours à l'écoute des infos. Parce qu'ils vont nous annoncer que dans tel quartier, il y a un bâtiment qui s'est écoulé. Spécialement pour le mois de décembre. Spécialement. Un jour, il y a un monsieur à Yopougon. Lorsqu'il retournait du travail, il partait à la maison. Lorsqu'il a vu la position de lui-même, encore en décembre, il a dit à sa femme, je ne monte pas. Prends ce que tu peux prendre et descends. Parce que l'immeuble était penché à cause de la pluie. Yeah. C'est ça, c'est juste la vraie. Ils ont pu sauver ce qu'ils ont pu sauver et en vendre le lendemain matin, l'immeuble s'est écroulé. Un immeuble à 4 étages. Yeah. Tout cela à cause de la fondation. Amen. Et j'avais pris la peine d'expliquer qu'en tant que chrétien, la base est fondamentale. Si tu rates la base, tu vas comprendre, parce que tu vas souffrir, que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Si, dès le départ, dès que tu as accepté le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas la fondation sur laquelle tu vas te tenir pour pouvoir grandir et t'épanouir spirituellement, tu verras tôt ou tard qu'il y aura un problème. Et c'est le problème que nous avons dans toutes les constructions. Amen. Et quand nous allons partir dans Corinthiens, vous allez voir que nous sommes nous-mêmes, en tant que chrétiens, l'édifice de Dieu. Amen. Et nous nous tenons sur une fondation qui est Christ. Maintenant, si Christ n'est pas à 100% la fondation, tu verras que malgré les messages que tu vas recevoir, malgré les encouragements, tu seras un édifice tordu. Un édifice plié, tu seras penché. On m'a dit, il faut t'arrêter, toi, ton droit, c'est comme ça. On appelle ça les positions zigueillies. Devant Dieu, tu es courbé. Zigueillé. Tu n'es pas droit. Amen. Si tu vas louer une maison, tu vois la maison dans une position zigueillie, tu es sûr que tu vas aménager. Même toi-même, tu n'as pas la vie d'aménager. Parce que l'édifice, c'est le bâtiment. Et la dureté du bâtiment dépend de la fondation qui a été faite. Et si Jésus-Christ est là, comme il a dit dans le premier culte, il a déjà accompli ce qu'il doit accomplir. Maintenant, si tu ne lui permets pas dès le commencement, c'est dès le commencement, c'est là que ça commence. Quand tu es born again, s'il ne prend pas le contrôle, n'attends pas de renouvellement de l'intelligence. Non. Tu vas te renouveler par la suite. Amen. Que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Si dès le commencement, quand tu lèves tes deux mains pour dire Seigneur, je te reçois, si tes deux mains ne sont pas sous son contrôle, tu seras surpris. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent que concernant la vie privée, c'est ma vie privée, ça ne vous concerne pas, mes pasteurs, mes bergers, c'est personnel. Ce mot-là, j'ai trop entendu ça ici. C'est personnel. Mais c'est personnel, un jour te fera tomber. Quand tu viens à Dieu, quand tu viens accepter le Seigneur, tu viens et tu te rends. Tu te rends pas à 50%. Tu viens te rendre à 100%. Tu viens te donner à 100% au Seigneur. Mais en te donnant à 100%, on se rend compte qu'on ne se donne pas à 100%. On se donne à 50, 45 ou 60% parce que il y a un petit côté là où c'est personnel. Où ça ne regarde ni le pasteur, ça ne regarde ni Dieu. Et c'est pas là que le diable va t'avoir. Alléluia. Beaucoup ont la grâce par la suite de se repentir. Voilà pourquoi, quand une personne vient plusieurs fois accepter le Seigneur, ne l'empêchez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Quand une personne accepte le Seigneur, il y a une conviction qui vient en lui qu'il est enfant de Dieu. Il va plus devenir encore de Dieu sa vie encore. Mais quand vous voyez des gens qui viennent une fois, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur. Dimanche prochain encore, tu vas comme, oh Seigneur, je te reçois encore. Il est en train de libérer les pourcentages. Il avait donné 30% à Dieu. Il avait donné 10% à Dieu. Après encore, il te raconte que là, ça ne va pas. Je viens encore au Seigneur, 10%. Mais un temps va arriver quand il va réellement donner sa vie 100% au Seigneur. Il ne va plus revenir. Parce que le Holy Ghost va convaincre son esprit petit qui est mon enfant maintenant. Amen. Souvent, ça prend du temps. Souvent, c'est un processus. Mais pour c'est aussi, c'est immédiat. Amen. Et c'est quand maintenant le Saint-Esprit au contrôle que tu seras renouvelé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te révéler la parole. Tu peux lire la Bible, tu ne vas jamais la comprendre. Avant, quand j'étais bon païen, j'avais un Nouveau Testament en poche. Je n'ai jamais pu lire Matthieu chapitre 1. Quand je commence généalogie de Jésus, après un verset, tu allais dans la poche. Je ne pouvais pas lire la Bible. Je n'ai jamais rien compris dans ce Nouveau Testament. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, d'une manière subite, c'est comme si les versets de la Bible étaient devenus vivants. J'ai dit, oh! Est-ce que c'est mon testament avec qui je me promène tous les jours? Parce qu'un bon païen, souvent, il a un testament sur lui. Il lit jamais, mais ça y est sur lui. Quand tu lui demandes si l'enfant de Dieu, il te sort le testament. Amen. C'est vrai, non? Un païen ne va jamais accepter qu'il est païen. Il va te dire que lui aussi est l'enfant de Dieu. Il te sort le testament. Sa carte d'identité, son passeport pour le ciel. Amen. Et c'est comme ça. Parce que se rendre, se donner à Dieu, on ne se donne pas à moitié. Et quand tu te donnes totalement à Dieu, Dieu, Jésus maintenant, va tout balayer, occuper tous les pourcentages, tous les endroits, tous les petits endroits, le péché mignon, tout ce qui est chérissable, tout ce que tu fais en cachette, il va tout nettoyer. Et à ta grande surprise, tu vas te voir en train de changer. Ce n'est pas par la force. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, si tu vois une personne qui ne veut pas changer son comportement, qui ne veut pas changer, c'est parce que le Holy Ghost n'a pas encore donné, il y a certains pourcentages, il y a un crédit qu'il doit donner, il doit rendre. Il doit donner. S'il ne donne pas, vous verrez que l'édifice ne sera pas ça. Et tout ça nous empêche de vraiment être établi, être épanoui. La vie chrétienne, c'est une vie épanouie. Tu dois vraiment l'apprécier. Tu dois la désirer. Tu dois même la chérir. Yeah, c'est un amour réel. Mais ça dépend de ta sincérité. Amen. Voilà pourquoi si tout et chacun parmi nous ici prend la peine de s'asseoir et de s'examiner, on va tous remarquer, non, si je fais des bêtises dans tel domaine, c'est parce que en vérité, Jésus-Christ n'est pas Seigneur dans ce domaine-là. Amen. Et le problème, l'endroit où on a beaucoup de problèmes, c'est dans notre côté sentimental. Vous voyez? Notre côté sentimental à Jésus, faut pas t'aventurer. Ça, c'est personnel. C'est personnel, ça. Il me dit, ça ne te regarde pas. Ça, c'est personnel. Amen. Mais ça nous intéresse. Parce que quand tu lèves tes mains et que tu les donnes au Seigneur, tu ne les retiens plus. En fait, tes mains sont ouvertes, tu ne retiens plus rien. Tu dois être comme un livre ouvert. Quand tu exposes ton péché, la puissance du péché est brisée. Le diable. J'étais pas à la convention, pourtant, avec le docteur Laurent Sété. Mais j'ai écouté le message, Et il priait pour une petite fille là. Il prie, prie, prie, la petite fille est dure. Aïe! Il dit, dis Jésus! Dis Jésus! Mais il a appelé la tante avec qui elle vivait. Et quand il a communiqué avec la tante, il y a eu exposition. Et qu'elle a dit maintenant, au nom, il dit maintenant, dis Jésus. Elle a dit, Jésus. Et l'esprit a été brisé là. Quand un démon est exposé, il perd sa puissance. Vous voyez pourquoi la Bible dit que quand Jésus a été ressuscité, il a exposé la puissance satanique. Il a exposé, il a brisé la puissance. Et parce qu'il les a exposés, ils n'ont plus de pouvoir sur lui. Et tous ceux qui croient ont cette puissance à la disposition. Donc quand tu crois et que Jésus-Christ est ton Seigneur, aucun diable ne doit te dominer. Aucun démon. Amen. Aucun démon. Parce qu'ils sont exposés. Quand ils sont exposés, ils perdent la puissance. Mais ils ont pouvoir dans la vie des personnes qui cachent leur faiblesse. Des personnes qui n'ont pas donné à Jésus 100% de leur vie. Voilà pourquoi la fondation ne résiste pas. Quand tu lis ce verset, il dit, mais celui, d'abord 48. Bon, laisse 49, laisse 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Il n'y a pas de fondement. La clé, c'est la fondation. Et il n'y a pas une autre fondation qui nous a été donnée, si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre. C'est la seule fondation sur laquelle on se tient pour pouvoir attester que nous sommes enfants de Dieu. Sans Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de M. Kofi ou Conan. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Notre seule identité, Dieu nous reconnaît comme ses enfants au travers de son Fils. Amen. Au travers de la fondation. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, quand tu descends, il n'y a pas une autre fondation qui nous sera donnée. Il faut mettre ça, 1 Corinthiens 3, 9. Il n'y a pas une autre fondation qui nous sera donnée. On lit, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Comme mamie pose le fondement aussi sur nos vies. Elle nous prêche la parole tous les jours. 4 ans, tu reçois la fondation. Mais quand tu pars, comme un sage architecte, un autre bâti dessus, elle vient à côté, elle met son marteau. Elle parle. Les bergers, ils mettent les marteaux. 4 ans. On parle de 4 ans aujourd'hui. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement. Waouh. Que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. S'il n'est pas la fondation, tu ne pourras pas résister. Donc si tu t'assois et tu t'examines, tu sauras ton démon. Tu vas le connaître. Tu vas le connaître. Tu connaîtras tes faiblesses. Tu sauras pourquoi dans tel domaine tu es vaincu. Pourquoi tu n'essaies pas avec Dieu. Pourquoi ton amour pour Dieu ne grandit pas. Pourquoi tu n'es pas dans la joie quand tu es dans la présence de Dieu. Quand vous êtes là actuellement et que vous écoutez la parole de Dieu, est-ce que vous n'êtes pas béni? Mais pourquoi quand vous partez à la maison, vous ne pouvez pas écouter le message? Vous êtes sûr que votre réel plaisir se trouve dans la parole de Dieu? Ce que tu fais avec libéralité démontre qui tu es. Je ne peux pas passer une journée sans prier. Hey, même si je n'ai pas eu une minute, là, on peut parler en langue. Tu peux parler en langue. Donc, il n'y a pas une excuse pour dire que je n'ai pas eu le temps pour passer une intimité. Quand je passe quelques heures où je n'ai pas vraiment fait quelque chose de spirituel, je me sens vite et charnel. Je dois rapidement me connecter. Me brancher à la source, à la fondation. Le fondement. Je dois rapidement me mettre à jour de peur d'être emporté. Parce que la rétrogradation, ce qu'on appelle la rétrogradation, c'est un processus. Plus tu négliges le fondement, tu seras surpris de te voir manger ce que tu as vomi. Tu ne peux pas négliger l'édifice qui est Jésus. Amen. Et prospérer. Non, si tu veux prospérer, il n'y a pas d'autre solution. Voilà pourquoi, c'est vrai que nous sommes bénis d'avoir l'opportunité de venir à l'église d'apprendre. Entre nous, quand tu pars à l'école, et tu as un bon élève, mais tu ne cesses pas le cours, tu es assis, tu reçois, tu prends toutes les notes. Quand tu reviens à la maison, est-ce que tu n'étudies pas? Pourquoi tu étudies? Pour que ça reste. Pour que tu n'échoues pas, c'est le mot. Tu as peur d'échouer parce qu'on va se moquer de toi. Mais pourquoi avec Dieu, vous ne pouvez pas aussi avoir un temps d'étude? Un temps où Dieu essaie de vous faire la révision de ce que vous avez écouté à l'église. Parce que quand tu ouvres ta Bible, Dieu est là. Dieu est là. Et c'est en t'affectant au fur et à mesure que tes racines seront solides. Tes racines iront en profondeur. Et tu pourras maintenant résister. Quand tu lis plus haut, il dit, celui qui a bâti sur le roc, la pluie et le vent sont arrivés. Mais il a résisté. Maintenant, si le tonnerre arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui a bâti sa maison sur le roc, si le tonnerre arrive, quand même, ceux qui bâtissent les maisons, la Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà, c'est pas ça? C'est-à-dire, même quand on bâtit une maison, on a bien fait la fondation, Dieu met sur la maison anti-tonnerre. Si, quand le tonnerre vient, ça dévie, pour ne pas que la maison soit affectée. Donc, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est sur toi, va te préserver de tout ce qui serait au-delà de ta force. Ce qui serait au-delà de ta force, le Saint-Esprit va s'en charger. Il met anti-tonnerre. Quand le tonnerre vient, il dit, il change de direction. Il y a anti-tonnerre aussi. C'est pas seulement la fondation. Il y a anti-tonnerre. Jésus, là, il a anti-tonnerre. Parce qu'il ne permettra pas que son édifice qu'il a bâti soit détruit. La Bible dit, nous sommes l'édifice. Nous sommes l'édifice. Nous sommes le bâtiment. Dieu peut se vanter au travers de nous. Dieu peut dire, comme il a dit à Job, Satan, tu as vu Job? Est-ce que tu l'as bien vu? Est-ce que tu l'as bien vu? Regarde comment il m'honore. Il est fier de son édifice. Quand il a vu Jésus, il dit, oh, celui-ci est mon fils bien-aimé. À qui j'ai mis, oh, un peu, toute l'affection de Dieu. Oh, Seigneur, donne-moi un peu. Toute l'affection de Dieu est venue sur lui. Une voix s'est fait entendre. On dit, mamie, il y a certaines personnes, elle me dit, voici mes enfants, de qui je peux être fier. Oh, elle a beaucoup d'enfants, elle est internationale. Tu vas au Gabon, elle est représentée. Tu vas au Congo, elle est représentée. Yalo, est-ce qu'elle n'est pas représentée là-bas? Alors, tu vas en Côte d'Ivoire. Tu vas au Burkina. Tu vas en Guinée. Tous les pays francophones. Parce qu'elle ne peut pas se glorifier elle-même. Mais quand elle voit l'édifice, elle voit des personnes qui sont venues païens. Jeff, toi quand tu es venu là, tu es chrétien. Toi tu es chrétien. Maintenant regarde-toi. Toi quand elle le voit, elle peut dire, ah Seigneur, elle peut voir le fruit de son apostolat. Vous savez pas, elle a une onction d'apôtre. Amen. Le fruit de son apostolat. Elle peut être fière de ses enfants au travers de ses enfants, pas elle-même. Dieu ne peut pas se glorifier lui-même. Elle a créé son fils. Il peut dire, voilà, Satan, voici mon fils. Satan a tout fait. Mais Jésus lui-même est la fondation. Il a tout fait. La Bible dit, il n'a commis aucun péché. À cause de cela, Dieu aussi l'a élevé. Et Dieu va élever toute personne qui va demeurer ferme. Celui qui va faire l'effort de maintenir un édifice solide et vrai devant Dieu, Dieu va forcément l'élever. Si Dieu t'a pas encore élevé, c'est que le processus n'est pas encore accompli. Au temps fixé, il te lèvera. C'est une condamnation. Il doit forcément te lever. Si tu n'as pas élevé, alors le processus n'est pas encore achevé. Tu es en cours. Ton miracle, il est en cours. Tôt ou tard, au temps fixé, cela paraîtra. Et quand ils verront, ils rendront gloire à Dieu. Tes parents rendront gloire à Dieu pour ce que tu es devenu. Amen. L'édifice. Nous sommes l'édifice. Amen. Donc si, comme je l'ai dit, tu fais l'effort de faire un feedback, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enseignements que Dieu va te donner, qui va t'aider à aller de bien en bien. Amen. Quand tu prends maintenant 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16. Alléluia. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Comme je l'ai dit, la fondation, c'est le Christ. C'est pas ça? Mais vous savez, vous et moi, que Jésus-Christ est la parole. Parce que il n'est pas physiquement là. Ce qu'il nous a laissé, c'est sa parole. Si tu ne te tiens pas sur la parole de Dieu pour développer ta vie chrétienne, tu n'as pas longue vie dans ta marche avec le Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Dieu doit t'enseigner sa parole. C'est le travail des pasteurs. Le meilleur dépôt qu'on peut déposer à chacun ici, c'est que la parole soit en nous. Si la parole est en nous, bien que je voyage, bien que je me déplace, et que mamie ou Epicos n'est pas là, ou Bishop n'est pas là, la parole est en moi. Et parce que la parole est en moi, elle m'instruit. Utile pour enseigner. Parce que par manque de connaissances, on périt. Utile pour convaincre. Elle doit te convaincre. Parce qu'un homme, si tu n'es pas convaincu, tu ne vas pas relâcher. Pourquoi beaucoup ne donnent pas leur vie totalement à Dieu? Je vous dis une vérité. Soyons francs. Toi qui étais dans une relation dans le monde, quand tu n'étais pas chrétien, normalement, quand tu viens à Christ, comme je l'ai dit au premier culte, tu as été translaté, c'est pas ça? Tu n'es pas translaté avec ton bagage. Ton bagage est sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Normalement, quand tu soumets-tu à Dieu, cette relation-là, tu dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter. Pour que Christ te bâtisse une vraie relation. Parce que c'est lui qui connaît ta femme. Toi, dans ta connaissance du bien et du mal, tu dis que j'ai toujours ma femme. En ces mots, comme le secret l'a démontré, Jimmy. Et tu viens à Christ et tu ne veux pas lâcher Jimmy. Tu veux maintenir Jimmy. Dieu ne va pas te forcer. Mais tu verras que ça va te ralentir dans beaucoup de choses. Si la femme que tu as eue dans le monde est ta femme, on va monter, on va descendre. Elle va te retrouver devant. Et puis vous allez vous marier. Mais pour un début, parce que quand la fondation doit être bâtie, ce qui est là doit être détruit. Si ce n'est pas détruit, et puis tu prends petit morceau de briques pour souder, pour dire non, Dieu sait. Dieu sait. On fait un arrangement. Seigneur, j'ai pris forniquer, mais j'ai regardé. Donc j'ai pris forniquer là. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Tu vas te voir en train de forniquer. Parce que tu n'as pas voulu lâcher. Amen. tu n'as pas voulu lâcher. Christ, il bâtit pas sur la fondation de quelqu'un d'autre. La première fondation que nous avons est celle de l'état pécheur. Qui n'a jamais péché? Hey! Tous avons péché. Mais quand Christ vient, il ne va pas bâtir sur ton péché. Il ne va pas bâtir sur ton mensonge. Sur ton vol. Il doit tout vider. Donc, voilà pourquoi la Bible dit on devient des bébés spirituels. Est-ce qu'un bébé a bien fait? Tu es bébé. Tu es bébé et puis tu veux transporter ce gros sac là. Tu es bébé spirituel, tu es bébé. Et puis tu veux avoir une fiancée. Non. Laisse le temps à Dieu de te donner une fiancée. Mais parce que on a accepté le Seigneur à 70% et que les 30% ont dit, c'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. C'est personnel. On transporte le même sac qui devient un fardeau. Et Jésus dit, si tu es fatigué, dépose. Voilà pourquoi par la suite, quand ils commencent à mûrir et à comprendre, eux-mêmes maintenant, ils disent, bon, je pense qu'il faut qu'on arrête. Yeah. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc, ton habilité à soumettre toutes choses au Seigneur déterminera ta croissance. Quand tu seras grand devant le Seigneur, tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. C'est comme de l'aimant. Ça vient. Ce qui est pour toi viendra à toi. Ton nom, pourquoi ne pas te préserver pour ton mari? Pourquoi pas? C'est possible. Tu ne veux pas que ton mari enjoy? Pourquoi tu veux qu'il prenne ce qui est déjà utilisé? Qui a dit que ton mari ne connaît pas les bonnes choses? Aujourd'hui, une femme qui a eu un enfant sans mariage, pour la marier, c'est dur. Parce que quand l'homme te voit, tu es joli, il regarde le design, il dit, bon, Seigneur, ça peut marcher. Quand il s'approche et puis il voit un enfant qui est déjà à côté, il dit, on dirait qu'elle a tourné. Hein? Et sa foi, sa motivation tombe. Donc, si c'est pas la grâce de Dieu, c'est difficile. Il doute. Mais si elle a fait un enfant, ça veut dire que peut-être qu'elle a connu beaucoup. Et puis, il commence à faire des calculs. Et puis, ça l'énerve tout seul. Il se fâche. Une fille vient, elle voit un joli garçon. Elle dit, ah, lui, peut-être ça va aller. Attends, il lui sourit un peu. Quand elle s'approche, on attend qu'il a des enfants de mains différentes. Ça décourage la fille. Pourquoi c'est moi qui ai piné ce coup? Non, c'est moi qui vais avoir trois enfants alors que moi, je n'ai pas encore un enfant. Ça décourage. Donc, pourquoi ne pas te préserver pour enjoyer la bénédiction de Dieu qui va arriver à son temps? Amen. Tu es l'édifice. Parce que quand tu es translaté et que tu es greffé à l'arbre de la vie qui est Jésus, qui est la fondation, alors, parce que tu es connecté en lui, tout ce qui te concerne aussi le concerne. Voilà pourquoi quand tu es en Christ, la Bible dit que même tes ennemis, avant de t'atteindre, ils doivent d'abord atteindre Christ. Parce que tu es en lui. Et tu lui appartiens. Chrétien qui meurt par sorcellerie. Toi, tu n'es pas chrétien. Toi, tu as fouillé jusqu'à ce sorcier qui t'a mangé. Faut revoir ta fondation. Ah, il y a beaucoup de chrétiens qui meurent par sorcellerie. Bon, en fait, ils sont à l'église. Ils disent qu'ils sont à l'église. Mais ils meurent. Avant de manger ton âme. Hé! Hey! Tu as goûté ça? Dès que tu goûtes net, tu es converti. Amen. Donc ce matin, tout ce que je t'ai dit depuis le matin, c'est la même chose. Parce que notre désir, si vous voulez que mamie, qu'elle parte en Côte d'Ivoire, au Gabon, dans tous ces pays francophones là, elle puisse partir et puis être relâche, qu'elle sera bien accueillie. Amen. Ça dépend de l'édifice que vous êtes, que nous sommes. Amen. Ça dépend de cela. On a appris beaucoup de choses. Elle a appris beaucoup de choses, mais c'est pas découragé. Par la grâce de Dieu, quand j'étais membre de l'église là, on n'était pas 30 fidèles. On n'était pas 30 fidèles. Mon premier culte, on était 28. Artisano. Amen. Aujourd'hui, regardez ça. Hey! Elle est honte. Vous supportez vos caprices, elle est honte. Amen. Donc pourquoi ne pas rendre, si vous avez goûté que Jésus est bon, entre nous, est-ce que Jésus n'est pas bon? Franchement parlant. Franchement. Faut pas faire semblant. Est-ce que Jésus, tu n'apprécies pas sa présence dans ta vie? Tu apprécies, Holy Lord, tu apprécies. Tu es sûr d'ouvrir ton dossier? C'est une bonne chrétienne. C'est une bonne chrétienne. Amen. Si tu as apprécié que Jésus est bon, pourquoi ne pas embrasser le Seigneur à bras ouverts? Pourquoi ne pas faire de lui ta passion et ton désir? Pourquoi ne pas le servir du mieux que tu peux? Vous tous qui servez Dieu ici, pas que cela s'arrête, vous allez rentrer. Non, battez-vous parce que c'est vrai. Le vent va souffler. Ça là, c'est certain. La tempête va frapper. C'est certain. Mais n'oubliez pas la fondation sur laquelle vous vous tenez. Cette fondation va être votre garantie. Que si le vent souffle, la tempête bat et que je résiste, mon Dieu serait fier de moi. Il n'y a pas de promotion. Sans test. Si quand tu vas entrer, tes parents sont tes tempêtes et que tu t'écroules, alors tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu a pour toi. C'est après la tempête, après la pluie, que vient le beau temps. Et donc si tu veux recevoir, ou même si tu veux être là où Dieu veut que tu sois, il y a des tests à franchir. Un par un. Et ça vient de toute nature. Ça peut être tes amis, ça peut être tes parents, ça peut être tes collègues, ça peut être au travail, ça peut être à l'école, dans n'importe quel domaine, Satan a une queue qui remue. Mais ta fondation, quand tu es sur le roc, quand tu es sur le roc, Jésus-Christ était dans la barque et il a calmé la tempête. Il a dit, chut, et chut. Et les apôtres ont dit, qui est cet homme? Qui est cet homme à qui la tempête même obéit? Est-ce un homme même? Entre nous, est-ce que Jésus même c'est un homme? Toi, tu marches sur l'eau. Est-ce que c'est un homme? Au Gabon, il y a un pasteur qui voulait marcher sur l'eau. Moi, je suis Gabonais. Il a fait venir la télévision. Il s'est vrai. Il a parlé en langue. Là-bas. Il a commencé à marcher. L'eau monte, il marche. Vous, on n'a plus rien vu. Mon ami, est-ce que tu as la fondation? La fondation a marché sur l'eau, mais toi tu n'es pas la fondation, toi tu es l'édifice. Pourquoi tu veux être la fondation? Et tu es mon cadeau. Paul a dit, il n'y a pas une autre fondation, il n'y a pas une autre sur laquelle on pourra se tenir, il n'y a pas une autre. Jésus-Christ est le commencement et la fin. Paul a dit, tout ce que je veux savoir, ou bien tout ce que je veux avoir comme révélation, c'est de connaître Jésus-Christ crucifié. C'est tout ce que lui veut savoir. Ça, c'est Paul. Quand il a été translaté et qu'il était greffé à l'arbre de la vie, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Paul, s'il parle comme ça, c'est que quelque chose s'est passé. Si c'est moi qui vis, si ce n'est plus moi qui vis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Hey! Paul qui tu es, c'est lui qui parle comme ça aujourd'hui. Je ne veux plus rien connaître. Il est docteur de la loi. Il dit, je ne veux plus rien connaître sur la loi. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître celui-là qui a été crucifié et puis qui est ressuscité. Le reste, ce n'est pas important. Je ne veux plus rien connaître. Mon A, mon B, mon C, mon Z, c'est Jésus-Christ crucifié. Quand je suis avec lui, j'ai toute la connaissance. Donc, les autres connaissances, ça ne m'intéresse plus. Un docteur de la loi, doctorat en lettres, il ne veut plus rien savoir. Savez, la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Amen. Elle est réelle. Mais ça dépend de comment tu t'approches. Parce que Dieu est Dieu, il ne change pas, il ne diminue pas. Si tu embrasses le Seigneur à bras ouverts, la Bible dit que il entrera en nous et fera en nous sa demeure. Il frappe, il nous observe. Tu lui dis, Seigneur, entre dans mon côté sensible. J'ai ma vie matrimoniale parce que je veux ta volonté et non la mienne. Il va entrer. Tu ne lui permets pas, il ne rentrera pas. Tu ne lui permets pas parce qu'il dit, c'est quand tu vas lui ouvrir. Donc, dans nos vies, il y a tellement de portes. Et nous sommes les seuls à avoir la clé. Et on donne un par un. Ok, la boisson, tiens la clé là. Bon, le vol. Ok, tiens le vol aussi. Bon, le mensonge. Bon, ok. Bon, tiens. Allez, fornication. Bon, après des mois, vraiment, Dieu miséricorde. Ok, tiens ça. Tant que tu ne lui donnes pas la clé, il ne entrera pas. Non, il y a certains parmi nous, Jésus-Christ occupe 50% de leur vie, d'autres 60%, d'autres 70%. Si tu t'assois toi-même et que tu es sincère envers toi, tu sauras le pourcentage que Jésus occupe dans ta vie. Et tu sauras aussi ce que tu détiens encore comme clé. Et tu veux transporter tout ça dans ta marche avec lui. Tu peux alléger ta marche. Ou aussi, tu peux aussi porter du fardeau pour souffrir de ta marche. La vie chrétienne n'est pas faite pour souffrir. C'est-à-dire, la souffrance dont on parle dans la foi, c'est nous-mêmes qui la créons. La Bible dit, Dieu ne tente personne. Mais nous sommes tentés nous-mêmes par nos faiblesses. Yeah. Si tu laisses Dieu régner, la Bible dit, quand il portera ton fardeau, toi tu seras léger. Donc, malgré les vents de marée, tu seras léger. Mais c'est quand tu portes un fardeau sur toi et tu marches sur ton fardeau, quand le vent vient, il y a un sac de riz sur ta tête. Tu vas t'écrouler. Et puis, on dit, il a rétrogradé. On ne rétrograde pas par hasard. La rétrogradation, c'est un processus. Voilà pourquoi la repentance est un élément clé. La Bible dit que Jean-Baptiste est venu avant le Christ, non? Il a prêché quoi, Jean-Baptiste? Non, il n'y a pas entendu. Jean-Baptiste a prêché seulement la repentance. Pourquoi? Parce que si le chemin du Seigneur n'est pas créé, il ne viendra pas. Voilà pourquoi partout où on prêchera l'évangile, on parlera de Jean-Baptiste. Parce qu'il n'a pas prêché un autre message. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Finish. Repentez-vous. Finish. Il a prêché ça jusqu'à la mort. Amen. Il n'y a pas un autre message. Si ta repentance n'est pas bien faite, la fondation ne va pas tenir. Amen. La fondation ne va pas tenir. Tu vas bâtir l'édifice avec le diamant, avec de l'or. Il faut retourner dans 1 Corinthiens. On parle de ça, de l'or. Il faut continuer. Descends. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement de l'argent, voilà. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. L'œuvre de chacun sera manifestée. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tout le temps, ça va te suivre. Tout le temps, tes fruits paraîtront. On saura si tu es vrai ou pas. On saura si tu es sincère ou pas. Dieu verra si tu es digne de recevoir l'onction ou pas. Dieu donne l'onction à ses enfants. Tu es enfant de Dieu, tu es oint. Amtenayon. Tu es enfant de Dieu, tu es déjà oint. Mais si tu ne crois pas que tu es oint, il faut aller prier pour les malades. Tu vas voir que tu es oint. Amen. L'œuvre de chacun serait manifestée. Donc si tu embellis l'édifice qui est ton corps, qui est ta vie, tu l'embellis avec de l'or, avec de l'argent, avec du bois, avec du foin, avec des pierres précieuses, c'est-à-dire diamants, pierres précieuses, diamants. Vous connaissez le diamant? Le diamant, l'émeraude. Si tu bâtis ta vie, c'est une personne quand il s'habille, hein. Non? J'étais dans un magasin là, j'ai vu un bic avec du diamant dessus. J'ai dit, hey, diamant, un bic qui coûte plus de $1,000, bic. Oh, diamant, tu t'habilles, bouderais, chaîne, diamant, bouderais en diamant. Toi seul, ce qui est sur toi, ça coûte plus de $20,000. Ce qui est sur toi, oh. Mais l'œuvre de chacun sera manifestée. Tu veux briller de l'extérieur, alors que la fondation est presque en train de mourir. Dès que l'eau de ruissellement passe, à Yopougon, les maisons s'écroulent. À Abidjan, ça s'écroule. Le ministre fait encore un grand discours à la télévision pour revoir les normes de construction. La fondation. Amen. Si tu réellement avec sincérité, tu ouvres la porte de ta vie au Seigneur, ta vie ne serait plus jamais la même. Plus jamais. Plus jamais. Ok. Bien que, entre nous, tu n'as pas donné les 100% de ta vie au Seigneur, entre griffes, est-ce que toi-même tu ne remarques pas que le peu que tu as déjà fait là, il y a un changement en toi. Yes! Voilà pourquoi il y a miséricorde. Parce qu'il sait que, avec le temps, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, quand vous la connaîtrez, elle vous affranchira. Donc, Dieu n'est pas pressé. Il te fait seulement du bien. Et puis, il te regarde. Donc, avec le peu que tu as donné au Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que non? Moi, mes parents n'avaient pas mon temps avant. Christian, où? Il ne dort pas à la maison? Où? Les parents? Lui là? Oh. Mais quand ils ont vu le changement, quand ils ont commencé à voir, même pas, un peu seulement, ma mère a remarqué. La maman, elle remarque vite. Les mères nous aiment plus haut. Elles nous aiment plus. C'est vrai. Quand tu as fait, je sais pas si maman tu vas. Frère, si papa tu vas voir. Les mères aiment plus les enfants. C'est comme ça. Donc, quand les parents ont vu le changement, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mon petit frère m'a dit une chose. Quand j'étais à Abidjan, il dit, ah, j'ai remarqué que le vieux, il parle d'une autre paix. Le vieux gère la vie de tout le monde, mais toi, il ne contrôle pas ta vie. Je vois que quelque part, Dieu combat pour toi, hein. Je ne suis pas le premier fils. Mais il contrôle tout le monde. Mais il y a un, là, qui n'arrive pas à contrôler. Et je lui m'a dit, je n'ai jamais vu un enfant aussi têtu que toi. Je n'arrive pas à te saisir. Tu glisses. Je glisse entre ses mains. Vous voyez, je glisse entre ses mains. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, C'est Dieu qui te saisit, c'est pas ton petit, c'est Dieu. Donc, tu vas glisser entre les mains des parents, mais Dieu te tient. Et comme Dieu a un plan pour ta vie, et que ça prend du temps, les parents ne comprennent pas vite. Mais après, quand ils comprennent, vous savez ce que j'ai fait en décembre? En décembre. Je suis monté dans sa chambre. J'ai dit, c'est la fête, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, bon, voici de l'argent pour le mouton. Je lui ai donné un mouton entier. Vivant, pas mort. Quand il a vu ça, oh, maintenant, mais tu es devenu pasteur dans la famille, tu es libéré. Partout où je vais, on a appris, oh! On a appris! Il allait faire ce qu'on appelle la podada. Il a dit, annoncer la nouvelle à tous ses frères. Ah! Cette année-là, sans mon fils, j'allais pas manger, oh! L'homme-là. Après 10 ans de guerre, aujourd'hui, la tempête est apaisée. La tempête est apaisée. Apaisée. Avant de venir, je lui ai dit, bon, je pars au Ghana, je pars encore en mission. Il dit, ok, bye bye. Avant, tu ne peux pas lui dire que tu pars en mission. Il me disait, ouh, il m'a coupé le western. Mais Dieu est vivant. Amen. Donc, le vent soufflera. Mais l'édifice, quand tu persévères, l'édifice demeurera. C'est en ce moment-là que tu vas découvrir qui tu es en Christ. Tu as une identité en Christ que tu dois découvrir. Les pasteurs vont prophétiser. Ces deux auront des rêves sur toi. Ils auront des visions sur toi. Ils vont te conseiller. Mais tu as une identité dans le Christ Jésus qui doit paraître à son temps. Donc vous voyez comment est-ce que on souffre parce qu'on refuse de réellement soumettre notre vie au Seigneur. Mais je crois par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Oh. Je crois par la grâce. La Bible dit qu'il est maître du temps et des circonstances. Par quel moyen il va nous diriger afin que nous puissions revenir et nous soumettre pleinement à lui pour connaître notre destinée. Cela est en ses mains. Il sait où te faire passer pour que tu dises oui, je me rends. Et il sait. Il te regarde. Mais il sait. Sa grâce. Sa grâce. Sa grâce te tient. Et sa grâce ne te lâchera pas. Voilà pourquoi j'ai foi. L'Atlas francophone. On a l'avenir. On sera représenté partout. Le Gabon sera affecté par Lighthouse. La Côte d'Ivoire sera affectée par Lighthouse. Le Congo, Brazzaville, sera affecté. Kinshasa, affecté. Le Bénin, oh, le Togo, tout près là, à Flao, affecté. Au Bénin, et au Burkina Faso, Ouagadougou, je les vois déjà, ils sont affectés. À Bamako, oh, ils sont déjà affectés. Yeah. Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Amen. On a fini? Wow. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Dis merci au Seigneur pour cette fondation qui est le Christ. Tout dépend de toi. C'est toi qui décides. La Bible dit que ce que tu auras perdu à cause du Seigneur, si tu as perdu un parent à cause du Seigneur, si tu as perdu une mère à cause du Seigneur, si tu as perdu un bien-aimé à cause du Seigneur, si tu as perdu des biens à cause du Seigneur, tu vas à retrouver au centuple des pères, des mères, une femme, pas des milliers de femmes, une femme, des enfants, toutes choses au centuple. tu vas les retrouver si tu les as perdus à cause de la fondation, à cause de lui. Ce que tu as perdu, tu vas retrouver cela et même au centuple, multiplié par 100. Je vois ta prospérité être multipliée par 100. Je vois ta prospérité être multipliée au nom de Jésus. Nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier. Nous voulons t'exalter, toi qui vis pour des siècles et des siècles. Nous voulons te remercier pour nos vies et pour l'opportunité que tu nous donnes par ta grâce de revenir à toi d'une caisse sincère. Nous savons que tu es la fondation et il n'y a pas une autre. Nous savons que tu tiens nos vies entre tes mains et par ta grâce, tu ne nous laisseras pas sombrer. Tu ne nous laisseras pas tomber là où ta main ne pourra pas nous relever. Mais en toute chose, ta miséricorde parlera en notre faveur afin que nous soyons justifiés et que nous surmontions toutes choses à cause des promesses que tu as planifiées pour nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu es ici ce matin, et Jésus n'est pas la fondation de ta vie, il n'est pas, tu reconnais en toi-même que tu tiens toi-même ta vie entre tes mains. Tu es ton seul maître. Et Jésus n'est pas la fondation, il n'est pas le Seigneur, il n'est pas le maître de ta vie. Et ce matin, tu aimerais donner pleinement et ouvertement ta vie au Seigneur. Afin qu'il soit le maître. Afin qu'il soit le Seigneur. Si tu veux faire cette prière, lève seulement la main droite. Nous allons prier ce matin. Lève bien la main. Lève ta main droite, lève-la. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu veux faire de lui le Seigneur de ta vie, tu veux qu'il soit le maître absolu, lève la main. Il y a certaines personnes qui sont là, qui doivent donner leur vie au Seigneur. Ils ont donné 70% de leur vie. Et ils ont réservé 30% à eux-mêmes. Parce qu'ils se croient plus sages que Dieu. Tu es là, tu dois donner les 30% qui restent au Seigneur. Lève ta main. Lève-la bien. Lève-la très bien. Il y a encore 5 secondes. Tu veux donner ta vie. Si le Saint-Esprit parle à ton cœur, ne résiste pas. Parce qu'il convient à mon esprit qu'il y a des personnes encore qui doivent donner leur vie au Seigneur jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous convainc que vous êtes fils de Dieu. Si tu as levé ta main, viens. Nous allons prier. Prends-nous, Seigneur. Oh oui, prends-nous, Seigneur. Entre tes mains. Yes! Entre tes mains. Il y a certaines personnes qui sont encore venues. Il y a certaines personnes qui sont encore venues. Ils sont là. Ils sont en train de résister. Ils sont encore venus. Oui, prends-nous, Seigneur. Oui, prends-nous, Seigneur. Entre ces mains. Alléluia. Vous allez lever vos mains. Fermez légèrement les yeux. Amen. Jésus-Christ prendra le contrôle de votre vie. Les 30%, les 20%, les 10% que vous n'avez pas encore relâchés, cela tombe maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Il vous libère. Il vous libère. Il vous libère. Il vous libère. Il vous libère. Il vous libère. Il vous libère. Il vous libère. Il vous libère. Il vous libère. Dans le nom de Jésus. Oh, les 10%, il les prend. Il entre là où c'était encore fermé. Il entre là où c'était encore fermé. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je veux te bénir. Ce matin, je te remercie. Pour l'opportunité que tu m'accordes. Je reconnais t'avoir donné ma vie auparavant. Mais je reconnais que je ne t'ai pas donné 100% de ma vie. Aujourd'hui, après avoir écouté ta parole, Père, je te donne totalement ma vie. Afin que tu viennes régner. Afin que tu viennes prendre le contrôle. Afin que ma vie soit totalement bâtie sur toi. Afin que tu prennes le total contrôle. Afin de me conduire dans ma destinée. Celle que tu as pour moi. Celle que tu as pour moi. Celle que tu as pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te bénis ce matin. Oh, je te remercie. Car tu l'as fait. C'est fait. C'est définitif. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, suivez la sœur, la bergère Aurélie. Elle vous parlera un peu pendant encore 10 minutes. Ce qui vient d'être fait n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard.